Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Et j'accueille maintenant dans la pilule du lendemain Sophie Laforêt qui vient nous présenter ses petits dada de 2009, ses découvertes de l'année. Bonjour Sophie, ça va bien? Mais oui, bon matin. Bon matin. Je suis contente de te rencontrer ce matin à... Ben, pas à la place de Marc Brillard, c'est ça que je veux dire, mais je veux dire, ça fait changement. Ouais, ben, je le remplace, oui. Oui, c'est vrai que ça fait changement. Pas de thème, pas de fond, mais quand même, on se débrouille bien. Puis c'est quand même assez le fun. Oui, je voulais te féliciter. Comme Merci. Je disais, avant qu'on entre en onde, j'écoute Simon depuis 7h ce matin, puis je trouve que franchement... C'est une bonne, un bon remplacement que tu fais en ce moment. Ben, je fais mon gros possible. Merci beaucoup. Donc, Sophie, tu viens nous parler des découvertes anglophones de 2009. Tes découvertes à toi? Oui, donc c'est des albums. Là, j'ai, en fait, c'est ça que je voulais t'annoncer en même temps oui. que tout le monde. Je vais présenter à peu près 5 pièces là, par matin. J'ai préparé, dans le fond, 15 albums qui, selon moi, méritent d'être entendus avant que l'année se termine. Génial. Puis aussi... Spécialement pour toi, Simon, parce que je sais que tu aimes la musique qui habituellement se situe avant 1980. Oui. J'ai pris des groupes avec des albums qui ont paru en 2009, mais à chaque jour, je vais te proposer un groupe, si tu veux, qui est récent, donc qui est encore actif. D'accord. Mais qui a une sonorité qui pourrait s'apparenter à des groupes, justement, datant d'avant 1980, des années 70, des trucs oh, comme ça. Oh, hey, c'est cool, ça. J'ai même un truc psychédélique surf. Je me disais peut-être que ça fait un peu Beach Boys. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis un grand fan des Beach Boys, de la musique surf, puis je suis un fan de musique psychédélique. Donc, j'ai bien hâte de voir ça, ouais. d'entendre ça. Ouais, fait que j'ai pensé à toi ce matin. Donc, est-ce que tu veux qu'on y aille sans plus tarder avec une première pièce? On peut débuter tout de suite, oui. Oui, OK. Donc, le premier groupe que je veux vous présenter, c'est la formation The XX. Donc, tout simplement 2X. Et c'est une formation que j'ai découvert récemment. C'est une formation qui est active depuis 2005 et qui est originaire de Londres. Donc, on entend ça, puis on en rediscute après. Parfait. À la pilule du lendemain avec Simon Fitzbé et sa collaboratrice du matin, Sophie Laforêt. Donc, sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Oui, donc oui, Sophie. La parole est à moi. On vient d'entendre la pièce Highlands de la formation britannique The XX d'un album du même nom et c'est une formation que j'ai découvert récemment. Et leur album est paru en août 2009. Puis là, je suis contente d'avoir découvert l'album là, avant que l'année se termine. C'est symbolique. Là, tu sais, je trouve ça plate de passer c'est plate à côté. D'être un an en retard hein, tout le temps avec les albums. C'est une chose qui m'arrive assez souvent, malheureusement. Ah, mais à tout le monde, j'imagine, il y a tellement de choses qui sortent, on peut pas non plus... Non, c'est ça. Surtout maintenant, avec l'ère numérique en plus. Pas l'ère numérique, mais l'ère de l'Internet. En fait, c'est musique, par-dessus les nouveaux albums qui sortent, les nouveaux artistes. On a de la misère à suivre. Donc, c'est ça. Donc, c'était une très bonne découverte faite la semaine dernière, cette formation. Et puis là, je vais essayer aussi à chaque jour de vous présenter un répertoire varié. Là, c'est-à-dire que je veux pas non plus juste rester, mettons, comme ça. C'était un peu plus, tu sais, pop, électro, assez easy listening. Là, je veux dire, c'est pas dur d'approche. Fait que je vais essayer de varier. Là, la prochaine artiste qu'on va entendre s'appelle Soap and Skin. Donc, c'est son nom d'artiste. Et c'est une auteure-compositrice autrichienne. Et elle joue au piano. Donc, c'est un peu plus lourd, là, ce qu'on va entendre, mais inquiétez-vous pas parce qu'après, on revient avec des choses plus joyeuses. Génial! Donc, à la pilule du lendemain sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'était le projet de l'auteure-compositrice-interprète autrichienne Soap and Skin. Et son nom, son prénom m'échappe, mais il me semble que son prénom, c'est Anja. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle Mr. Gaunt Pity 1000. Alors, c'est plutôt complexe là, comme titre de pièce. Et c'est tiré de l'album Love Tune for a Vacuum, qui est paru en mars 2009. Et c'est son premier album qui a connu quand même de bonnes critiques là, pour les gens qui aiment le genre. Comme j'expliquais, c'est un style qui est un peu plus lourd. Là. Je vous dirais que c'est un peu déprimant, cet album-là, mais... Moi, j'aime bien avoir des albums déprimants à l'occasion qui varient justement tous les états d'esprit dans lesquels je peux me retrouver. Mais qu'est-ce que la musique si c'est pas de l'émotion des jours des parts, hein? C'est tellement beau, Simon, quand tu parles. Non, arrête. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est ça. C'est exactement non, faut ça. Pas, faut pas trop me louanger, voyons. OK, là. Je vais arrêter tout de suite et je vais annoncer la prochaine pièce. Oui, pourquoi pas. Et là, c'est le moment que tu attendais, Simon, car c'est un groupe... justement, que je pense que tu pourrais apprécier parce J'espère. Que ça a des sonorités, comme je disais, ben, je sais que t'aimes aussi là, des trucs actuelle, mais je sais comme que ton dada, c'est la musique plus des années 70-80. Effectivement. Donc, c'est une formation de New York et on va entendre une pièce, justement, de cette formation qui s'appelle « The Pains of Being Pure at Heart ». Est-ce que ça te dit quelque chose? Pas du tout. Non? La pièce qu'on va entendre s'appelle « Young Adult Friction » de leur album éponyme. Donc, on va aller écouter ça tout de suite à la pilule du lendemain sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, les choix de Sophie. On vient d'entendre la pièce « Young Adult Friction » de la formation new-yorkaise de Pains of Being Pure at Heart. Et c'était mon choix pour Simon Fidibé, qui aime la musique datant des années 70-80. Comment t'as trouvé ça, Simon? J'ai adoré. Oui? Franchement, oui. C'est très bon. La structure pop est bien respectée. Et comme on parlait pendant que la pièce jouait, se faire du nouveau avec du vieux. Donc, c'est vraiment génial. Ils ont réussi. Oui, exactement. C'est quelque chose qui a été ressorti souvent, ça, de dire... T'sais, souvent, on reproche aux nouveaux groupes, des fois, d'essayer d'imiter ce qui a été fait, mais eux, ils le font bien. Mm-hmm. Ils réussissent à faire quelque chose de nouveau, mais comme tu dis, avec du vieux. Bonne c'est formation. Bien. Je vais le rajouter sur ma liste de cadeaux de Noël si, s'il me reste de la place. Oui? Ah, il va avoir de la place, je suis convaincue. On espère. Sinon, je te prêterai l'album, tiens. Ben, pourquoi pas? Pas de problème. Et donc, on est dans notre rétrospective des albums de 2009. Là. En fait, ma rétrospective personnelle. Donc, c'est ce que j'ai eu la chance d'entendre cette année. Oui. Et le prochain groupe que je vais vous présenter, j'essaie de varier. Là, on a eu quelque chose de plus électro-ambiant au début, quelque chose de plus piano-voix lourd. Là, on vient d'avoir du rock-pop aux influences d'attendre un peu plus longtemps. Là, je vais vous présenter un groupe canadien qui fait dans le rock folk indie un peu. Et donc, c'est une formation qui s'appelle The Rural Alberta Advantage. Je me pratique souvent pour le dire. Ouais, quand même, hein, c'est pas évident. Non, c'est donc l'avantage de la ruralité en Alberta. Ah oui, il y en a vraiment. Je pensais pas qu'il y avait de la vie rurale en Alberta. Je pensais que c'était concentré autour des villes. Les grandes villes là-bas. Mais je pense que c'est un peu ironique comme... Il y a des bonnes chances. Ils viennent pas de l'Alberta, ils viennent de l'Ontario. Puis en lisant les textes de leurs pièces, là, c'est, souvent ils font allusion un peu justement, entre autres, ben, comme là, la pièce qu'on va entendre s'appelle « Drain the Blood ». Puis moi, en tout cas, mon analyse de la pièce, c'est comme s'ils faisaient allusion un peu au sable bitumineux. Ah oui, ouais. Probablement. Hein. Donc, musique contestataire. Oui, mais tu sais, ça passe bien là. C'est pas trop lourd justement dans la contestation. Ah. Et on va aller l'entendre, puis on en reparlera après. Parfait. Tu me diras aussi également si t'aimes ça. Je pense que c'est un style aussi qui est ouais, assez accessible. Ben, j'en avais entendu, je crois, une fois tu avais présenté ça justement dans le cadre d'une de tes chroniques il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas. Oui, est-ce que ça se peut? Ouais, oui c'est ça. Possible, mais on n'avait pas fait jouer la bonne pièce. On avait eu des problèmes oui, en vrai. Studio. Alors là, je me suis dit, je vais me reprendre. Il faut absolument faire jouer ça. Donc, la pièce s'appelle « Drain the Blood » de l'album « Hometowns » de la formation canadienne de Rural Alberta Advantage. D'accord, alors on va l'écouter ça et on revient pour en discuter de l'autre côté. C'était la formation de Rural Alberta Advantage, qu'on aime bien nommer, avec la pièce Drain the Blood de leur album Hometowns. Et leur album est paru en juillet 2009. Excellent album. C'est tout récent, c'est encore tout chaud donc. Tout chaud et tout beau et tout bon dans les oreilles. Oui, c'est très très bon. Ça fait du bien à entendre en fait. Ouais, t'as aimé ça aussi? Ouais, j'ai bien aimé. Je suis contente. Là, il me semble que c'est tout le temps une satisfaction. Tu sais, quand tu présentes quelque chose à quelqu'un puis la personne aime ça, c'est le fun. Tu te sens comme. Je sais pas. Ouais, on se sent gratifiant. Hein? Moi, j'ai des amis que je suis pas capable de rien leur présenter, qui connaissent déjà toutes. Et lorsque j'arrive des fois à trouver une pièce ou un album qu'ils ont jamais entendu, je capote. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est comme un petit baume là, sur l'ego. OK, oui. Et donc, je pense que je vais y aller tout de suite avec une dernière pièce. Oui, pour qu'on ait la déjà chance, la dernière. Ouais, pour qu'on ait la chance d'en reparler après. Et là, on va terminer en force avec donc la 20e pièce de cette compilation que j'ai préparée hier. Et c'est un duo que j'ai découvert aussi cette année. C'est pas un nouveau duo, mais c'est un album, donc un nouvel album qu'ils ont fait paraître cette année. Le duo, c'est un couple aussi dans la vie. Il s'appelle Matt and Kim. Et c'est donc une formation de New York, si je me trompe pas. Je vais consulter mes notes. Oui, de New York. Parfait, j'avais la bonne réponse. Et ils font dans l'indie pop et c'est un album qui est paru en janvier 2009, donc là, complètement... Début de l'année. Oui, quasiment il y a un an. Puis la pièce qu'on va entendre, c'est une pièce, moi je suis dans une certaine mesure, là, adepte du site Pitchfork. Donc ouais. c'est un site de critique américain de musique qui spécialise entre autres dans l'indie. Très reconnu. Très reconnu. Puis là, ils ont sorti récemment, je crois hier ou avant-hier, le top des 100 meilleures chansons de l'année. Et la pièce qu'on va entendre se retrouve là, entre la 100e et la 75e position. Là, le chiffre exact Mais c'est intéressant. M'échappe. C'est intéressant. Donc, sur pitchfork.com, tu peux avoir la liste des 100 pièces de l'année. Oui, puis là, demain, puisque là, ils nous tiennent en haleine, là, demain, ils vont faire paraître le top 50 des albums. Donc là, depuis lundi, on a les 25 premières pièces. Je pense qu'aujourd'hui, ils sortaient justement de 75 à 50, puis là, on va aller comme ça jusqu'au numéro 1. Puis là, parfait. Aujourd'hui, je pense que c'était le top 50 albums. D'accord, alors on va aller écouter cette pièce et on va aller visiter le site pitchfork.com plutôt. Cette semaine, donc, voici la pièce. Tu peux me rappeler le titre, Sophie? Daylight. Daylight sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. On vient d'entendre la pièce Daylight du duo Matt and Kim de leur album Grand. En fait, ça s'appelle Grand comme le qualificatif, là, Grand. Grand, ouais. Mais je sais pas. Probablement Grand, mais en fait, les noms d'albums en français, c'est quand même. Je dirais pas bien beaucoup utilisé, mais ça commence à se populariser au niveau de l'indie pop. À moins que je me trompe, là, mais il me semble que j'en ai vu quelques-uns. Ouais, donc moi je dis grand. J'aime ça le dire en français, mais on peut dire grand. Grand. C'est mieux. Ouais. Très bien. Et donc, c'était la dernière suggestion pour aujourd'hui. Ton top 5 de la journée, dans le fond. Mon top 5 de la journée pour ce qui est de l'année 2009, donc des albums et des artistes qui m'ont marqué en 2009. Donc, c'est vraiment génial. Et tu prépares une rétrospective de tes pièces de 2009, Sophie? Oui, donc le moment exact dans la journée est à confirmer, mais en même temps, là, on souligne la présence d'Alain en studio, notre directeur de la programmation. Il va l'apprendre en même temps. Donc, le 28 décembre, en soirée pour l'instant, mais ça risque peut-être d'aller en après-midi. Mm-hmm. Je vous invite à consulter le cfou.ca. Probablement que ça va être annoncé. Donc, je vais essayer de bâtir une émission de 3-4 heures avec vraiment une rétrospective complète. Pour ceux qui me connaissent, là, j'aime beaucoup l'indie avec des touches électro, folk. Ça tourne autour de ça, là, mais ça risque d'être assez bien, cette rétrospective, en fait, je l'espère. Mais c'est génial. Moi, en tout cas, je vais être à l'écoute. Le 28 décembre, je ne serai pas présent en studio. Je prends congé de mes deux émissions du lundi. Et donc, je serai à l'écoute de C'est fou et assidûment. Et je vais prendre en note tout ce que tu vas présenter dans ce grand spécial. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de C'est fou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.